Chapitre 22. Évrard s'élança hors du château et s'enfonça dans la forêt. La nuit était froide, mais belle. Le ciel tout bleu, le vent très âpre. Il avait neigé tous les jours précédents, et la terre semblait couverte d'un grand linceul. Les pins détachaient seuls leur verdure sombre sur la sinistre blancheur des champs. Évrard, la tête nue et les cheveux en désordre, allait haletant, sans but, sans pensée. Il ne sentait ni le froid ni la bise. Son instinct, plutôt que sa raison, le conduisit droit à la chaumière. Mais il était près de minuit, tout était fermé, tout était éteint. Il en fit 5 ou 6 fois le tour, mais voyant que tout semblait endormi, il courut à sa grotte et, tombant à genoux sur le seuil, il fondit en larmes en appelant sa mère. « Mère, criait-il en se tordant les mains de désespoir, mère, où es-tu? Sais-tu ce qu'on veut faire de ton enfant, dit? Sais-tu dans quelle honte on veut l'entraîner? Sais-tu de quelle menace on l'entoure? Est-ce que tu laisseras s'accomplir son déshonneur ou sa perte? Tu étais ce matin ici, à cet endroit même où je pleure, et tu m'as vu ivre de joie. Désapprouves-tu mon bonheur? Il me semblait que non, et cependant tu ne m'as point parlé de tout le jour. Il est vrai que, perdu dans mon ravissement ou dans ma douleur, je ne t'ai point interrogé, mais je t'interroge à cette heure. Pardonne-moi et réponds-moi. » Évrard écouta. Il n'entendait que le sifflement et le craquement sec des branches de sapin. Il resta quelques instants sans proférer une seule parole. On eût dit qu'il avait peur du son de sa propre voix. « Mère, reprit-il enfin doucement, tu ne dis donc rien? Ou si tu parles dans cette plainte lugubre de la bise, je ne t'entends plus, je ne te comprends plus. Est-ce que tu es fâchée à cause de mon amour? Est-ce que tu te détournes de moi? Ou bien aurais-tu des choses terribles à me révéler et aimerais-tu mieux te taire? Mon Dieu, se peut-il que l'événement de ma vie approche? Ne vas-tu pas me conseiller alors? Je ferai peut-être bien de fuir. Dis, mais peut-être est-il déjà trop tard? Ah, rien, rien, ma mère, tu ne me réponds rien. Et toujours avec cela, le vent qui pleure, c'est effrayant. Hélas, m'as-tu retiré ton amour pour la première fois de ma vie? Je me sens seule et je tremble. Est-ce que Dieu t'éloigne de moi pour me livrer à la fatalité ou à mon mauvais ange? Est-ce que tu serais morte, ombre de ma mère? Et tout continuait de se taire, excepté le souffle glacial du nord qui courait en mugissant des collines aux vallées. Évrard commença à frissonner de froid et d'épouvante. « Clémence du ciel » murmura-t-il avec accablement et d'une voix étouffée par les sanglots. « Je suis certain que mon ange gardien n'est plus à mes côtés. Qu'arrivera-t-il donc demain? Que fera le comte? Que ferai-je moi-même? Ah, j'aurais dû partir il y a 3 ans. Mais n'est-il pas temps encore? Oui, c'est cela. Partons. Allons rejoindre mon oncle Conrad. C'est mon seul, c'est mon dernier soutien. C'était ton ami, ma mère. Partons, fuyons devant ma destinée. » Et tout égaré, il se releva, faisant un mouvement pour fuir. « Et Rosemonde, Rosemonde, s'écria-t-il, il faut que je revoie Rosemonde. Enfin, elle est ma fiancée, elle est ma femme. Partir, partir sans elle? Oh, c'est bien cruel à toi, mère, de me châtier, de me délaisser ainsi. Que je souffre. Tu me plaignais de ce que je devais être bourreau, mais jusqu'ici je ne suis que victime. » Une rafale plus violente que les autres, si violente qu'elle déracina un des vieux chênes qui ombrageait la grotte, sembla répondre aux plaintes d'Évrard et acheva de le frapper de terreur. Le reste de la nuit, il le passa dans ses alternatives d'épouvante et d'abattement, de résignation et de révolte. Parfois, il marchait à pas précipités, Puis il retombait assis en sanglotant. Parfois il se jetait avec désespoir le visage contre terre, mordant la mousse de la grotte. Quand la pâle et tardive lueur de l'aurore dora les sommets du Taunus, il était plus blanc que le sol couvert de neige, plus froid que les rochers vêtus de givre. Qui l'eût vu l'eût pris lui-même pour un fantôme, tant il était pâle et glacé. C'est que toute la nuit, malgré ses prières, malgré ses supplications, malgré ses sanglots, Albine était restée muette. Le soleil, un morne soleil de décembre, un soleil mourant, lança à travers les arbres desséchés ses rayons blafards, et Évrard, épuisé, se mit à marcher du côté de la chaumière. La seule résolution qu'il eut prise, c'était de voir Rosemonde et de lui demander conseil. Il se disait bien que le mieux était de s'enfuir loin de son père, loin de l'Allemagne, mais il voulait revoir Rosemonde. Comme il marchait, plongé dans ses pensées, il releva tout à coup la tête en entendant le son du cor et l'aboiement des chiens. Puis, à travers le taillis, il aperçut les piqueurs, la meute, et enfin Maximilien à cheval qui chassait. Il n'eut que le temps de franchir un fossé et de se jeter dans l'épaisseur du bois. Lorsqu'il continua sa route, il crut distinguer, à plusieurs reprises, au détour du chemin, un valet du comte qui semblait le suivre. Mais peut-être n'était-ce qu'une nouvelle illusion de son délire. Il est certain qu'Évrard avait la fièvre. Ce fut dans ses transes qu'il arriva à la maison du garde forestier. Jonathas, averti de grand matin, était sorti comme de raison pour accompagner son maître à la chasse. Évrard ne trouva donc que Rosemonde. La jeune fille jeta un cri en voyant entrer son amant si pâle et si défait. Évrard alors lui raconta tout ce qui s'était passé à sa seconde entrevue avec son père. Ce récit fut long, car 20 fois la parole lui manqua, 20 fois ses larmes l'interrompirent. Rosemonde fut, comme toujours, sublime de raison et de dévouement. « Ami, dit-elle à Évrard, si réellement Lucille de Gansberg avait dû devenir votre femme, je vous dirais, Évrard, Lucille est une noble jeune fille. Obéissez à votre père, épousez Lucille, et si vous n'êtes pas heureux, du moins vous resterez noble et honoré. » Mais cette union avec la duchesse de B est monstrueuse, Évrard, et j'ai le droit de vous en détourner, car ce n'est pas à vous et à moi seul que le comte d'Epstein fait tort ici. Il offense la justice et Dieu. Il est votre père, Évrard. Cependant, il a, assure-t-on, l'âme pleine de violence et de tyrannie. Il serait donc impie et dangereux de lutter contre lui, et le meilleur parti à prendre, c'est assurément de vous éloigner. Ne vous préoccupez point de moi, Évrard. Je savais bien que nos rêves étaient des chimères, et qu'à moins que le monde ne s'écroulât, je ne pourrais être votre femme. N'importe, je suis à vous, et ne serai jamais à aucun autre. Je resterai ici ou ailleurs, à prier pour vous, à vous aimer sans espérance. Sans espérance, car vous voilà riche maintenant, vous voilà comte, et votre père pourrait consentir à une union entre nous, ce qui est impossible, que ce serait moi qui refuserais. Je vous répète pourtant que toute ma vie je vous serai fidèle, comme si j'étais votre épouse. Mais vous, Évrard, allez, soyez libre, restez grand et bon, apaisez de loin le comte d'Epstein, forcez-le par vos belles actions à vous pardonner, à vous nommer son fils, et après cela, oubliez, si vous le voulez, la pauvre fille qui ne vous oubliera jamais. Rosemonde, ange visible, tu ne m'abandonnes pas, toi, s'écria Évrard les larmes aux yeux. Parle, oh, parle toujours, les pensées douces et clémentes descendent dans mon esprit avec tes paroles. Oui, je t'obéirai, cher guide de mon cœur, et la dernière leçon ne sera pas perdue plus que les autres. Je partirai, non pour me sauver, mais pour sauver mon père. Car vois-tu, Rosemonde, tu Tu m'as rappelé à la sagesse et à la clémence. Ma mère ne m'a pas répondu cette nuit. C'est aujourd'hui l'anniversaire de Noël et j'ai peur pour lui. Je fuis donc devant son danger, devant sa damnation peut-être. Évrard, que veux-tu dire ? Demanda Rosemonde, inquiète de l'altération des traits du jeune visionnaire. Rien, rien, murmura Évrard. Les morts savent, les vivants ignorent. Laisse-moi partir vite, Rosemonde. Un dernier baiser seulement. Oh, ne crains rien, un baiser de sœur, un baiser au front, un baiser que je recevrai à genoux. Évrard s'agenouilla, et Rosemonde, comme elle avait coutume de le faire après chaque leçon, lui posa sur le front un baiser doux et chaste comme son cœur, un baiser mêlé d'un soupir. En ce moment, derrière les beaux et purs enfants, un amer ricanement se fit entendre. Ils se retournèrent avec précipitation et virent le comte Maximilien debout sur le seuil, en costume de chasse, un fouet dans une main, son fusil dans l'autre. « Bien, fort bien !» dit-il en saluant avec ironie. Et il s'avança dans la chambre après avoir jeté son fouet et sa casquette sur une table et posé son fusil contre la muraille. Rosemonde, rougissante et immobile, restait les yeux baissés et n'osait faire un pas. Pour Évrard, il s'était jeté au-devant d'elle et bravait presque de son regard fier et décidé le regard insolent et goguenard du comte. Maximilien ôta avec lenteur ses gants, tout en sifflant un air de chasse et en promenant de l'un à l'autre amant son regard moqueur. Puis il se jeta dans un fauteuil et passant avec nonchalance une jambe sur l'autre. « Voilà donc le mot de l'énigme, dit-il, un mot très charmant, en vérité. Voilà donc la raison de cette vertu spartiate, une raison tout à fait gentille et appétissante, il faut en convenir. « Monseigneur, dit Évrard, si votre colère... »« Ma colère ? » interrompit vivement le comte. « Eh bon Dieu, qui parle de ma colère ? Il est bien question de cela. Je suis gentilhomme, mon Évrard, et de plus, fils du XVIIIe siècle. Je ne me suis pas encore fait ermite, Dieu merci. Et bon chien chasse de race. Non, mes enfants, non, je ne vous en veux pas. Si je vous ai fait suivre, Évrard, c'est par intérêt, et non pour vous gêner, croyez-le. J'ai envoyé à la ville, sous un prétexte quelconque, votre père, ma belle enfant. Votre père, qui n'est pas dans le secret, j'aime à le penser, et qui aurait pu gâter votre amicale entrevue. Vous voyez que je ne suis pas un tyran. Seulement, je ne veux pas être une dupe, et je n'entends pas que votre amourette... Pardon, monseigneur, si je vous coupe la parole, reprit Évrard avec fermeté. Mais il y a ici un malentendu qu'il est de mon devoir de rectifier. Daignez m'accorder une minute d'attention, je vous prie. Vous m'avez abandonné dans le vieux château d'Epstein, seul, sans guide, sans maître, sans soutien. J'ai dû grandir au hasard, comme un arbre de la forêt. Étiez-vous mon père ? Étais-je votre fils ? On eût pu le croire à votre indifférence, j'allais presque dire à votre haine. Un jour, vous m'avez écrit qu'il me fallait renoncer à toute prétention sur votre tendresse, comme vous renonciez à tous vos droits sur mon obéissance. Puis, fidèle à votre résolution, vous ne vous êtes dès lors pas plus occupé de moi que si j'étais mort ou indigne de vous. Le paysan fait apprendre à lire à son fils, afin qu'il puisse au moins connaître la parole de Dieu. Vous ne vous êtes pas même informé, vous, si je savais lire. Vous m'avez laissé oisif, ignorant, vagabond, et vous êtes allé bien loin avec votre fils Albert, le fils unique de votre affection, pour vous conquérir des places, des titres, des honneurs. Or, il est arrivé que votre fils bien-aimé vous a été retiré par Dieu, dont la justice est parfois terrible. Vous vous êtes souvenu alors de l'abandonner, parce que vous aviez besoin pour vos projets d'un associé qui fût votre fils. Vous vous attendiez à trouver un esprit inculte, une âme sauvage, et vous ameniez je ne sais quel professeur officiel pour me mettre en état de servir vos desseins. Vous avez été surpris, en voyant qu'une éducation libérale ne vous laissait presque rien à faire, et vous vous êtes réjoui, non pas pour moi, mais parce que cela avançait d'un an ou deux le succès de vos combinaisons. Eh bien, savez-vous qui m'a enseigné la science, la vie et Dieu, qui m'a formé le cœur et la tête, qui a remplacé mon père absent par ses leçons, ma mère morte par ses conseils? Le savez-vous, monseigneur ? Ma foi, non, répondit le comte. Vous m'avez bien nommé la solitude, mais c'est un maître un peu vague. Eh bien, monseigneur, c'est Rosemonde que voici, Rosemonde que vous avez failli insulter tout à l'heure. C'est cette noble et pieuse enfant qui a rendu au fils le bienfait de l'éducation qu'elle tenait de la mère et qui, jour par jour, heure par heure, reprenait patiemment avec moi les éléments de toute chose. Elle a fait un homme de votre fils, dont à peine vous aviez fait un chien. Elle m'a ramené à la dignité, à l'espoir, et je puis le dire, à l'amour. Elle m'a préparé enfin aux plus rudes infortunes comme aux plus hautes destinées. Insultez-la donc maintenant. « Vous êtes éloquent, Évrard, » dit Maximilien, « et je m'en aperçois avec plaisir. » « Pourtant, » ajouta-t-il en ricanant, « ce qui résulte de plus clair du merveilleux discours que vous venez de débiter avec tant de feu, c'est tout simplement ce que j'avais conjecturé moi-même au premier abord, c'est-à-dire que cette chère enfant vous a instruit. « Eh, mais c'est très bien à elle, et je lui en suis on ne peut plus reconnaissant. J'espère cependant qu'en échange de ces leçons, vous lui en avez rendu d'autres. Vous n'êtes plus ignorant, soit, mais elle, est-elle toujours innocente ?» Rosemonde, droite et fixe, voulut parler, mais ses lèvres remuèrent sans qu'elle pût articuler un seul mot, et elle resta immobile et pâle comme une statue. « Terre et ciel, vous persévérez dans votre méprise !» s'écria Évrard, tremblant d'indignation. « Dans ma méprise, non. Dans mon mépris, oui !» répondit le comte. Rosemonde, toujours muette, éleva par un geste sublime ses bras vers le ciel. « Monseigneur, faites attention !» reprit Évrard, chancelant de fureur. « Vous avez si longtemps oublié que vous étiez mon père, qu'à mon tour, Dieu me pardonne !» Je pourrais bien oublier que je suis votre fils. Oui, da, monsieur, en viendrions-nous là ? Dit Maximilien en quittant son rire insultant pour redevenir tout à coup sérieux et hautain. Ce serait curieux à voir, en vérité, jeune homme, apaise-toi, je t'y engage. Ta colère d'enfant s'émousserait vite contre la mienne. Contiens donc ta furie, c'est plus prudent, et laisse-moi en finir avec ta dulcinée, qui, pour n'être pas duchesse, n'en fait pas moins en petit, à ce qu'il me paraît, le même métier que celle que tu refusais ce matin. « Dieu du ciel !» s'écria Rosemonde en tombant évanouie sur le carreau. « Par l'enfer !» s'écria Évrard en sautant sur son épée qu'il avait laissée la veille dans l'angle de la cheminée. Puis, l'attirant à demi, il s'avança sur le comte, mais à deux pas de lui, il s'arrêta, et repoussant son épée dans le fourreau, « Vous m'avez donné la vie, » dit-il, « nous sommes quittes. » De son côté, Maximilien s'était jeté sur son fusil qu'il avait armé. Le père et le fils, à cette heure, se regardant avec des yeux flamboyants de colère, semblaient non pas deux hommes, mais deux démons. « Je t'ai donné la vie, dis-tu ? Tu te trompes, misérable ! Je ne t'ai rien donné et tu ne me dois rien. Tire donc ton épée, nos deux rages étouffées ainsi contenues. Allons donc, à l'air, épées et colère. Ah, tu recules, lâche ! Tu recules ! Eh bien, je ne reculerai pas, moi !» Il alla vers la porte et appela quatre ou cinq valets qu'il avait amenés avec lui. « Saisissez cette fille, » dit-il, « évanouie ou non, saisissez-la et jetez-la hors de mes domaines. » Évrard se plaça devant elle et tirant son épée. « Si un seul de vous la touche, » dit-il, « il est mort. » Les domestiques, intimidés, hésitèrent. « Lâche, avancerez-vous ? » dit Maximilien en levant sur eux son fouet. Ils firent un pas mais Évrard les arrêta de la pointe de son épée. « Monseigneur, dit-il, je vous déclare que moi, Évrard d'Epstein, je suivrai cet enfant partout où elle ira, soit de gré, soit de force, entendez-vous ?»« À ton aise, répondit Maximilien. « Faites ce que j'ai dit, drôle, reprit-il en s'adressant au valet. « Monseigneur, reprit Évrard en posant la pointe de son épée sur le cœur de sa fiancée toujours évanouie, plutôt que de laisser toucher Rosemonde par un de ses hommes, je vous proteste que je la tuerai à vos yeux. « Fais, si la pointe est bonne, dit le comte. « Ah, tu as peur encore. Enlevez cette femme ou je vais moi-même me charger de ce soin. « Monseigneur, s'écria Évrard, prenez garde. « Je la défendrai contre tout le monde. »« Même contre ton père ?» dit le comte en s'avançant sur Évrard, son fusil à la main. « Même contre le bourreau de ma mère ?» s'écria Évrard, aveuglé par je ne sais quelle frénésie. Maximilien, emporté par le vertige de sa colère, coucha son fils en joue et fit feu. « ma mère, ayez pitié de lui !» cria Évrard en tombant. Le comte Maximilien resta debout, les yeux fixes, froids et pâles, comme foudroyé, car il lui semblait voir, près de Rosemonde et d'Évrard inanimé, Albine et Conrad vivants. C'était bien Conrad que voyait Maximilien dans son hallucination étrange, Conrad qui, selon sa promesse, venait visiter la famille d'Epstein. Il était entré assez à temps pour détourner le fusil de son frère et sauver la vie à son neveu en faisant d'une blessure qui eût été mortelle une légère blessure. Le comte, en revenant à lui, l'aperçut à ses côtés. Il se crut d'abord le jouet d'un rêve horrible et promena autour de lui des yeux égarés. Il se retrouvait dans la même chambre, mais seul avec Conrad. Tout le monde s'était retiré. Le parquet était taché de sang. Où est Évrard ? Dit Maximilien en frémissant. Là-haut, rassurez-vous, blessé seulement à l'épaule et peu dangereusement, reprit Conrad. Et Rosemonde ? Elle a repris ses sens, elle soigne Évrard. Mais vous, êtes-vous Conrad ? Conrad changé et vieilli comme moi ? Comment se fait-il que vous soyez là ? « Qu'est-ce que cet uniforme d'officier français ?»« Oui, c'est moi qui étais Conrad. Je suis à présent un général de Napoléon. Je vous apprendrai tout quand vous serez tout à fait remis. »« Ainsi, vous êtes vivant. Je ne rêvais pas. Mais l'autre, l'autre !»« De qui parlez-vous, Maximilien ?»« De celle qui était debout près d'Évrard, une main étendue vers lui comme pour le défendre. » Une main étendue vers moi comme pour me menacer. « De qui parlez-vous ? » répéta Conrad inquiet. « Oh, je l'ai reconnu !» poursuivit Maximilien, l'œil égaré, à l'expression farouche, implacable de son regard. « Je l'ai bien reconnu, je suis condamné. Évrard a eu beau dire, et pitié de lui, ma mère, il n'y a pas de grâce à attendre. Je ne sais ce que signifient vos discours. » reprit Conrad. Seulement, Évrard m'a chargé de vous dire que, pour sa part, il vous pardonnait et prierait pour vous. « À quoi bon, à quoi bon ?» dit le comte avec anxiété. « Elle était là, je vous le dis. »« Qui, elle ?»« Elle, le châtiment. Elle, l'expiation. Elle, Albine. »« Mais venez, mon frère, venez, sortons d'ici. N'entendez-vous pas que ce sang parle et crie vengeance ?» Ne voyez-vous pas que je suis comme ivre, ivre de meurtre et d'effroi ? Venez, l'air, ce me semble, me fera du bien, le grand air pur des champs. Mais peut-être mon haleine va-t-elle le corrompre ? Oh, je suis damné ! Ne souhaitez-vous pas voir Évrard et lui rendre pardon pour pardon ? Non, non, je ne veux voir personne. Je ne suis plus père, je ne suis plus homme, je n'appartiens plus à la terre, mais à l'enfer. Et puis, qu'importe mon pardon ? Le pardon d'un maudit, c'est un anathème. Venez, Conrad, sortons d'ici, vous dis-je. Maximilien quitta la chambre et la maison de Jonatas avec son frère qui avait peine à le suivre. Il allait se heurtant contre les pierres et les aspérités du chemin. Et, à le voir ainsi courir les cheveux en désordre, les yeux égarés, on eût dit qu'il fuyait devant quelqu'un. Il fuyait, en effet, devant le remords qui vous atteint et vous dépasse toujours. Les deux frères arrivèrent bientôt au château d'Epstein, et Maximilien, toujours comme poursuivi, alla se réfugier dans la chambre rouge, après avoir fait signe à Conrad de le suivre. D'un air effaré, il ferma la porte à double tour et mit les verrous. « Maintenant, me voilà en sûreté, » dit-il en tombant sur un fauteuil. « Voyons, je suis bien éveillé maintenant. Je puis me reconnaître et rappeler à moi ma raison. Mais tout ce qui vient de m'arriver, est-ce une réalité terrible ou bien une vision fiévreuse ? Hélas, tout n'est que trop certain, » dit Conrad. « Mais toi-même qui me l'atteste, n'es-tu pas toi-même un fantôme ?» dit. « Ma vie est un secret, mais je vis, » dit Conrad. « Je passais à Epstein pour tenir une promesse faite à Évrard et à Jonatas. Le hasard, ou plutôt la providence, m'a amené précisément à temps pour détourner le canon de votre fusil et vous épargner un crime. Et quel crime ? Le meurtre d'un fils ? Est-ce possible ? « Est-ce possible ?» balbutia Maximilien avec un reste de délire. « Oui, et afin de vous sauver de la folie, mon frère, afin de vous ramener au sentiment du vrai, je vous dirai volontiers ma sombre histoire. » Nous nous retrouvons d'ailleurs dans un moment si étrange et si terrible que toutes les règles sont confondues et que je ne crois pas même avoir besoin de vous faire promettre sur l'honneur un inviolable silence. Ce mystère, sans être une nécessité absolue, est devenu pour moi une habitude et comme un besoin. J'ai vécu tellement en dehors des convenances reçues, et les motifs qui ont dirigé mes actions seraient si mal compris et si faussement interprétés. Le jugement de la foule pourrait si aisément calomnier et condamner avec des apparences légitimes toute ma conduite, que je préfère n'avoir que Dieu pour juge. Dieu qui voit dans ma conscience la pureté de mes intentions. Et puis j'aime cette ombre où je me cache, parce qu'à force de dissimuler la première part de ma vie aux autres, j'arrive parfois à ne plus me la rappeler moi-même. Conrad entama alors le récit de son orageuse et sinistre existence. Il le commença sérieux et l'acheva pleurant. Maximilien lui prêta une attention soutenue. Sa figure redevenait peu à peu calme et sereine. Il prit dans un nécessaire un flacon d'eau spiritueuse et en but deux ou trois verres à plusieurs reprises. « Merci, Conrad, » dit-il à son frère quand celui-ci eut cessé de parler. « Merci de m'avoir ramené dans le réel. » « Oui, bien que votre histoire soit étrange, bien que l'homme dont vous vous êtes fait le compagnon soit miraculeux, au moins je me retrouvais en vous écoutant avec des êtres que je connais, qui vivent et respirent. J'étais fou tout à l'heure, Conrad. J'avais eu je ne sais quelle folle vision et quelle terreur puérile. Ma colère m'avait, je crois, enivré. Je vous ai parlé d'Albine, d'apparition, de vengeance, n'est-ce pas ? En effet, dit Conrad, surpris de ce retour subit de Maximilien. Mon Dieu ! Reprit celui-ci en souriant d'un rire amer. Se peut-il que les plus fortes âmes aient parfois de ces moments de faiblesse et d'erreur ? Pensez que moi, Maximilien d'Epstein, moi, admis au conseil de l'héritier de César, j'ai pu un instant subir l'influence d'un conte de bonne femme. J'ai dû bien vous amuser, mon frère. Vous m'avez fait peine et pitié, dit Conrad. Votre fureur et votre épouvante m'ont effrayé et consterné, autant que votre âcre ironie et votre sang-froid égoïste m'affligent et m'indignent à cette heure. Allons donc, continua Maximilien en secouant son front encore tout chargé de pensées sombres et de doutes. Allons donc. Il faut être homme et ne pas se laisser prendre par des visions. J'ai eu tort de m'abandonner à cette colère terrible, j'en conviens, et je remercie Dieu et vous, Conrad, de m'avoir sauvé d'un meurtre. Mais en vérité, je n'étais plus maître de moi, et ce jeune insolent m'avait par trop échauffé le sang. Enfin, il en est quitte pour une blessure légère, m'avez-vous dit? Cela lui servira de leçon et le disposera à m'obéir mieux, je l'espère. Quant aux menaces de la morte, quant aux rêves où elle m'est apparue, je ne suis ni assez jeune ni assez sot pour persister dans de pareilles chimères. Et vous, Conrad, un homme supérieur, un soldat de Napoléon, vous croyez, comme moi, que ces songes sont vains et faux, n'est-il pas vrai? Qui sait? Dit Conrad pensif. Comment? Reprit Maximilien. Vous ajouteriez foi aux revenants et aux fantômes? Jésus, dit Conrad, a fait une loi aux vivants de prier pour les morts. Pourquoi l'évangile des trépassés ne leur ordonnerait-il pas de veiller sur les vivants? Taisez-vous, taisez-vous! Interrompit le comte de nouveau, pâle et tremblant. Non, cela ne se peut pas. Tous les liens sont rompus entre la mort et la vie, j'en suis sûr, je le veux. Mon frère, ne me rejetez pas dans mon délire et dans ma peur. En une seconde et pour un mot, cet homme, qui se targuait tout à l'heure d'une raison si forte, était redevenu plus timide et plus tremblant qu'un enfant ou qu'une femme. Il fit cependant un effort, et relevant la tête. « Et quand cela serait, dit-il, quand Dieu ferait des élus du paradis des anges gardiens sur la terre, accorderait-il ce don merveilleux aux damnés? Et je crois, je sais, Conrad, je suis certain, en dépit de tout, qu'Albine n'est pas digne du ciel et qu'une femme adultère ne saurait protéger personne, pas même l'enfant de son crime. » « Albine ? » s'écria Conrad. « Est-ce de la pieuse, de la chaste, de la noble Albine que vous osez parler ainsi ? » ?»« L'avez-vous connue ? » demanda Maximilien. « On m'a dit, » répliqua Conrad embarrassé. « Ah, on vous a dit ? Oui, elle avait de beaux dehors de sainteté et savait habilement tromper les gens, l'hypocrite. Mais à vous, mon frère, je veux, je dois, je puis dire sans honte. » « Oui. » poursuivit Maximilien en s'échauffant et en s'égarant. « Oui, à la fin, c'est un besoin pour moi de me justifier en la condamnant. Et vous allez convenir avec moi que j'ai eu et que j'ai raison, qu'il faut braver ces menaces, que c'est une infâme, que le trouble de mon esprit a seul produit toutes mes terreurs, que mes remords avaient tort. Oui, je fus juste et non coupable. » Si mes paroles l'ont tué comme un couteau, c'est bien fait. Cet Évrard n'est pas mon fils. C'est le fils du capitaine Jacques, que Dieu maudisse. Du capitaine Jacques ? S'écria Conrad en reculant. Oui, un Français, qui était plein pour elle d'une belle affection chevaleresque. Un aventurier mystérieux, dont elle n'a voulu me dire ni le vrai nom ni l'histoire. Un étranger qu'elle appelait publiquement son ami et son frère. « Et qui était bien son frère et son ami, malheureux !» dit Conrad d'une voix tonnante. « Car cet aventurier, ce Français, le capitaine Jacques, c'était moi, Conrad d'Epstein, votre frère et le sien !» Maximilien se leva comme mu par un ressort et resta debout, roide et pâlissant. « C'était moi !» poursuivit Conrad, qui lui ait follement demandé une discrétion que son âme généreuse m'avait promise jusqu'à la mort, moi qui, avec vous et comme vous, mais involontairement du moins, suis son meurtrier. Moi qui vous taisais tout à l'heure mon premier et fatal retour d'il y a 20 ans pour ne pas réveiller vos terreurs et qui vous crie à présent que vous avez tué une innocente. Mon frère, vous en répondrez devant Dieu. Conrad s'arrêta, car vraiment l'accablement de Maximilien, de cet homme si énergique et si fier, était terrible et faisait pitié. Le comte était pâle comme un mort. On eût dit que la main du seigneur irrité pesait sur ses épaules. C'est à peine s'il osait lever ses yeux pleins d'une terreur indicible. Il croyait voir distinctement à ses côtés l'ange vengeur, l'épée à la main. Un long silence suivit ces dernières paroles. Conrad ne se sentait plus la force de maudire. Maximilien murmurait « Je suis perdu ». Seulement, il répéta ces mots à plusieurs reprises, avec un accent sourd et lugubre. Il était 4 heures et la nuit tombait. De gros nuages noirs chassés par le vent couraient dans le ciel. Les pins craquaient, les corbeaux voletaient en bandes criardes autour des donjons d'Epstein. Tout à coup, Maximilien sortit de sa stupeur. « Du monde, qu'on vienne ! Pourquoi sommes-nous seuls ? » s'écria-t-il. « Conrad, ordonnez que tous les gens du château s'assemblent dans la grande salle d'en bas, qu'on allume toutes les torches et toutes les bougies, qu'on fasse de la musique et du bruit, qu'on m'empêche de la voir et de l'entendre. « Vous êtes sauvé et vous vous repentez, » lui dit avec douceur Conrad, pris malgré lui de commisération à l'aspect de cette frénésie. « Me repentir ? J'ai peur, » reprit Maximilien. « Vous comprenez, n'est-ce pas, Conrad, de la lumière, du bruit ? Est-ce que je puis demeurer seul ici, dans cette chambre, dans la chambre rouge, au-dessous de la chambre du berceau, à côté de l'escalier des caveaux ? Ne voyez-vous rien de sinistre dans ces rideaux qui remuent, dans la flamme de cette lampe qui tremble, dans ce foyer qui pétille, dans cet air même et dans ce silence ? Ne voyez-vous pas que là, à mon cou, il y a la chaîne d'or, dernier et fatal avertissement de mon créancier glacé ? Oubliez-vous que nous sommes à la veille de Noël ? Vite donc des chants, des flambeaux, de la foule, ou plutôt... qu'on commande mes équipages et que mes gens montent à cheval. Je veux partir sur le champ pour Vienne. « Frère, dit Conrad, à quoi bon fuir ? À quoi bon vous entourer de valets ? Le mieux est de vous repentir, puisque déjà vous sentez une peur salutaire. »« Qui dit que j'ai peur ? S'écria Maximilien en se redressant tout à coup. « Celui-là ment. » Il retomba sur son fauteuil, les poings crispés, les dents serrées. Une lutte étrange se livrait dans son cœur entre la honte et l'effroi. L'orgueil de Satan l'emporta. « Les d'Epstein n'ont pas peur !» reprit-il en riant aux éclats, et son rire ressemblait à un sifflement. Conrad hochait la tête avec pitié, et c'était cette pitié muette qui révoltait Maximilien. « Les d'Epstein n'ont pas peur » continua-t-il avec plus de force. « Vivante, cette femme tremblait devant moi, et morte, elle me ferait trembler ? Non pas, je la brave, elle, et sa vengeance, et son fils rebelle !»« Des blasphèmes ! » s'écria Conrad épouvanté. « Eh non, du bon sens ! Je crois en Dieu, c'est indispensable à la cour d'Autriche, mais je ne crois pas aux fantômes par le diable !» Et la légende de ce château m'a toujours fait hausser les épaules. Laissez-moi, je veux être seul. Ce sont vos rêveries qui m'égaraient. Une nuit que j'avais les nerfs irrités, j'ai eu le cauchemar. Il n'y a pas de quoi prendre de soucis, mordieu. Ah, Maximilien, dit Conrad, j'aimerais mieux voir en vous la terreur dont vous vous défendez que cette gaieté sacrilège. Mais de quelle terreur parlez-vous ? « Êtes-vous le même songeux creux qu'autrefois ? C'est vous-même, votre apparition subite, vos billes vesées et la pitié pour ma victime qui m'ont troublé le cerveau. Mais je ne crains rien, entendez-vous ? Ni les revenants, ni le diable, et je vais le prouver. Vous allez me laisser seul, et vous irez, s'il vous plaît, de ce pas, prévenir mon Évrard qu'il est à laisser là son infante. » Et qu'il se prépare à me suivre à Vienne auprès de la duchesse. « Mon frère, y songez-vous ? Je ne vous quitte pas, » dit Conrad. « Si, par l'enfer, vous me quitterez, car vous m'exaspérez, enfin. Je ne suis pas un enfant qui tremble et qui recule, et j'entends rester seul pour envoyer à Vienne mes instructions et mon acceptation au nom d'Evrard. « Prenez garde, Maximilien, » dit encore Conrad. « Prenez garde vous-même, répondit le comte en frappant du pied. « Vous devez savoir que j'ai peu de patience. Je veux rester seul, » répéta-t-il avec l'obstination d'un fou. « Je veux rester seul. » « Faut-il donc laisser faire la justice de Dieu ?» dit Conrad en lui-même. « Sortiras-tu ? » s'écria Maximilien. « Oui, pauvre malheureux, car tu échapperais cette nuit que celle qui peut aller vite et qui va lentement parce qu'elle a la patience de l'éternité te reprendrait demain. »« Enfer ! » reprit Maximilien en s'avançant sur son frère, les yeux flamboyants et les poings serrés. Mais Conrad l'arrêta court par le regard calme et imposant de l'honnête homme qui dompte les impies. « Adieu, lui dit-il en secouant la tête avec une amère pitié. Il alla lentement vers la porte, l'ouvrit et sortit. « Bonsoir !» lui cria Maximilien en tirant bruyamment le verrou. « Tu vois que je donne beau jeu au spectre, puisque je m'enferme avec lui. Ha ha ha !» « Dis donc, si demain je ne suis pas descendu à 8 heures, est l'obligeance de faire enfoncer ma porte. Bonsoir, et que le diable qui te fait une si belle peur t'accompagne, poltron !» Maximilien n'eut pas la force d'en dire davantage. Il tomba à genoux, tremblant, épuisé, livide. Conrad, qui écoutait dans le corridor, n'entendit plus rien. Il voulut envoyer un dernier adieu à son frère, mais la parole se glaça sur ses lèvres. Il pensait à veiller sur le seuil, mais une puissance supérieure le chassait, et il sentait la volonté de Dieu qui le poussait dehors. Il descendit l'escalier d'un pas chancelant et alla rejoindre Everard chez Jonathan.